pas peur, les ibaya ma kambonyo so. Aussi ça simba pomo inangai. Temeni na yo papa na kokaukate. Planté na maya bomo na kokandengengi. Mon premier amour de ma vie, mon champion de tous les temps, qui ne perd jamais la ceinture. C'était la Ngaya Bomoi, Oye Bukanakate. Pour l'amour na yoé, na zoluke lango kombo, omboye. Kehebi elungi na yote kukakama ekota nanda kona yote sepukwa na ye kaminanga epai ozali po basoni avinanga shajaka kumbu au memelinga bolamu na vi na ebite bafutaka yango na mbongo nini kwanza ero dola tope franc congolais mbongo nini Abaye papa, yondo sili sanga isoni, sone mikole beleo Papa wosa nisaka pasi, pasi makamboye umelae Papa nasala ninye, pona sepeli samote manayo Na jire, na koti nyongo, na kofuta ye Na jire, na koti nyongo, na kofuta masanjuli Mosale sali la vina ngai, na mote moka usa, na kome Abika na sena moya Yesu nisi la, esi ma direction Oh Yesu nangai Sali sile kima, na koma na plenitude Oh lo Yesu Meliza silo mwa, esi nazwa delivance Oh pona yo Enki sile sila, esi nazwa ma certitude Yoso pona yo ye Pona yo Yesu Pona yo mo santo alola ye Jésus, mon héros de tous les temps. En d'autres termes, en colinga tena pimela yo zembo ana. Osi kinga na pema, obunde li vinanga. Obate li obiki singa, nande na futi nyongo na zembo. Le passé n'a pas eu de mal, n'a pas eu de mal, n'a pas eu de mal, n'a pas eu de mal, n'a pas eu de Yesu n'a pas eu de mal, n'a pas eu de mal, n'a pas eu de mal, n'a pas de frère n'a pas eu de papa n'a pas eu de mal, n'a Navoué na coca kufuta ya mbote Ekuzunga eternité na sena moi Andevu na lola na koyemba yo Makota ya mote moka usa na koma na jamisa Lama na yo komi sanga nivo mase Esi suwe sila, esi na suwa Na justi lo na fei na komi na kokite ya Na koma na koma Anka nyeze silinga liko lago lango na yo Esi na suwa Comme il s'est naboyé, il s'est naboyé.